Livre sixième, chapitre premier. Coup d'œil impartial sur l'ancienne magistrature. C'était un fort heureux personnage, en l'an de grâce 1482, que noble homme Robert d'Estouteville, chevalier, sieur de Beine, baron d'Ivry et Saint-André en la Marche, conseiller et chambellan du roi et garde de la prévôté de Paris. Il y avait déjà près de 17 ans qu'il avait reçu du roi, le 7 novembre 1465, l'année de la comète, cette belle charge de prévôt de Paris, qui était réputé plutôt seigneurie qu'office. Dignitas, dit Johannes le Meneus. Quae cum non exigua potestate politiciam concernente, atque prerogativis multis et juribus conjuncta est. La chose était merveilleuse en 82 qu'un gentilhomme ayant commission du roi et dont les lettres d'institution remontaient à l'époque du mariage de la fille naturelle de Louis XI avec monsieur le bâtard de Bourbon. Le même jour où Robert d'Estouteville avait remplacé Jacques de Villiers dans la prévôté de Paris, maître Jean Dauvet remplaçait messire Élie de Thorette dans la première présidence de la cour de parlement. Jean Jouvenel des Ursins supplantait Pierre de Morvilliers dans l'office de chancelier de France. Regnault des Dormans désappointait Pierre Puy de la charge de maître des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi. Or, sur combien de têtes la présidence, la chancellerie et la maîtrise s'étaient-elles promenées depuis que Robert d'Estouteville avait la prévôté de Paris? Elle lui avait été baillée en garde, disaient les lettres patentes. Et certes, il la gardait bien. Il s'y était cramponné. Il s'y était incorporé. Il s'y était identifié. Si bien qu'il avait échappé à cette furie de changement qui possédait Louis XI. Roi défiant, taquin et travailleur, qui tenait à entretenir, par des institutions et des révocations fréquentes, l'élasticité de son pouvoir. Il y a plus. Le brave chevalier avait obtenu pour son fils la survivance de sa charge, et il y avait déjà 2 ans que le nom de noble homme Jacques d'Estouteville, écuyer, figurait à côté du sien, en tête du registre de l'ordinaire de la prévôté de Paris. Rare, certes, et insigne faveur. Il est vrai que Robert d'Estouteville était un bon soldat, qu'il avait loyalement levé le pennon contre la Ligue du bien public, et qu'il avait offert à la reine un très merveilleux cerf en confiture le jour de son entrée à Paris en 1400. Il avait plus la bonne amitié de messire Tristan l'Ermite, prévôt des maréchaux de l'hôtel du roi. C'était donc une très douce et plaisante existence que celle de messire Robert. D'abord, de fort bons gages, auxquels se rattachaient et pendaient, comme des grappes de plus à sa vigne, les revenus des greffes civils et criminels de la prévôté, plus les revenus civils et criminels des auditoires d'en bas du Châtelet, sans compter quelques petits péages au pont de Mantes et de Corbeil, et les profits du tru sur les grains de Paris, sur les mouleurs de bûches et les mesureurs de sel. Ajoutez à cela le plaisir d'étaler dans les chevauchées de la ville et de faire ressortir sur les robes mi-partie rouge et tannée des échevins et des cartonniers son bel habit de guerre que vous pouvez encore admirer aujourd'hui sculpté sur son tombeau à l'abbaye de Valmont en Normandie et son mourion tout bosselé à Montlhéry. Et puis, n'était-ce rien que d'avoir toute suprématie sur les sergents de la douzaine? Le concierge et le guette du Châtelet, les 2 auditeurs du Châtelet, auditores Castelletti, les 16 commissaires des 16 quartiers, le geôlier du Châtelet, les 4 sergents fieffés, les 120 sergents à cheval, les 120 sergents à verge, le chevalier du guet avec son guet, son sous-guet, son contre-guet, son arrière-guet. N'était-ce rien que d'exercer haute et basse justice, droit de tourner, de pendre et de traîner, sans compter la menue juridiction en premier ressort, in prima instantia, comme disent les chartes. sur cette vicomté de Paris, si glorieusement apanagée de cet noble bailliage. Peut-on rien imaginer de plus suave que de rendre arrêt et jugement, comme faisait quotidiennement messire Robert d'Estouteville, dans le grand Châtelet, sous les ogives larges et écrasées de Philippe Auguste, et d'aller, comme il avait coutume chaque soir, en cette charmante maison, 6 rue Galilée dans le pourpris du Palais-Royal, qu'il tenait du chef de sa femme, Madame Ambroise de Loret, se reposer de la fatigue d'avoir envoyé quelque pauvre diable passer la nuit de son côté dans cette petite logette de la rue de l'Escorcherie, en laquelle les prévôts et échevins de Paris voulaient faire leur prison, contenant icelle, 11 pieds de long, 7 pieds et 4 pouces de lait et 11 pieds de haut. Et non seulement messire Robert d'Estouteville avait sa justice particulière de prévôt et vicomte de Paris, mais encore il avait part, coup d'œil et coup de dent, dans la grande justice du roi. Il n'y avait pas de tête un peu haute qui ne lui eût passé par les mains avant d'échoir au bourreau. C'est lui qui avait été quérir à la Bastille Saint-Antoine pour le mener au Halles, monsieur de Nemours, pour le mener en grève, monsieur de Saint-Paul, lequel rechignait et se récriait, à la grande joie de monsieur le prévôt, qui n'aimait pas monsieur le connétable. En voilà certes plus qu'il n'en fallait pour faire une vie heureuse et illustre, et pour mériter un jour une page notable dans cette intéressante histoire des prévôts de Paris, où l'on apprend que Oudard de Villeneuve avait une maison rue des Boucheries, que Guillaume de Hengest acheta la grande et petite Savoie, que Guillaume Thibouste donna aux religieuses de Sainte-Geneviève ses maisons de la rue Clopin, que Hugues Aubriot demeurait à l'hôtel du Porc-Épic, et autres faits domestiques. Toutefois, avec tant de motifs de prendre la vie en patience et en joie, messire Robert d'Estouteville s'était éveillé le matin du 7 janvier 1482, fort bourru et de massacrante humeur. D'où venait cette humeur? C'est ce qu'il n'aurait pu dire lui-même. Était-ce que le ciel était gris, que la boucle de son vieux ceinturon de Montlhéry était mal serrée et sanglait trop militairement son embonpoint de prévôt, qu'il avait vu passer dans la rue sous sa fenêtre des ribauds lui faisant nargue, allant 4 de bande, pourpoint sans chemise, chapeau sans fond, bissac et bouteille au côté? Était-ce ce pressentiment vague des 370 livres, 16 sols, 8 deniers que le futur roi Charles VIII devait l'année suivante retrancher des revenus de la prévôté? Le lecteur peut choisir. Quant à nous, nous inclinerons à croire tout simplement qu'il était de mauvaise humeur, parce qu'il était de mauvaise humeur. D'ailleurs, c'était un lendemain de fête, jour d'ennui pour tout le monde, et surtout pour le magistrat chargé de balayer toutes les ordures, au propre et au figuré, que fait une fête à Paris. Et puis, il devait tenir séance au Grand Châtelet. Or, nous avons remarqué que les juges s'arrangent en général de manière à ce que leur jour d'audience soit aussi leur jour d'humeur, afin d'avoir toujours quelqu'un sur qui s'en décharger commodément, de par le roi, la loi et justice. Cependant, l'audience avait commencé sans lui. Ses lieutenants au civil, au criminel et au particulier faisaient sa besogne, selon l'usage, et dès 8 heures du matin, quelques dizaines de bourgeois et de bourgeoises, entassés et foulés dans un coin obscur de l'auditoire d'en bas du Châtelet, entre une forte barrière de chêne et le mur, assistaient avec béatitude au spectacle varié et réjouissant de la justice civile et criminelle rendue par maître Florian Barbedienne, auditeur au Châtelet, lieutenant de monsieur le prévôt, un peu pêle-mêle et tout à fait au hasard. La salle était petite, basse, voûtée. Une table fleur-de-lysée était au fond, avec un grand fauteuil de bois de chêne sculpté qui était au prévôt et vide, et un escabeau à gauche pour l'auditeur maître Florian. Au-dessous se tenait le greffier, griffonnant. En face était le peuple, et devant la porte et devant la table, force sergents de la prévôté en hoquetons de camelot violet à croix blanche. 2 sergents du parloir aux bourgeois, vêtus de leur jaquette de la Toussaint, mi-partie rouge et bleu, faisait sentinelle devant une porte basse fermée qu'on apercevait au fond derrière la table. une seule fenêtre ogive, étroitement encaissée dans l'épaisse muraille, éclairée d'un rayon blême de janvier, deux grotesques figures. Le capricieux démon de pierre sculpté en cul de lampe dans la nef de la voûte, et le juge, assis au fond de la salle sur les fleurs de lys. En effet, figurez-vous à la table prévôtale, entre deux liasses de procès, accroupi sur ses coudes, le pied sur la queue de sa robe de drap brun plein, la face dans sa fourrure d'agneau blanc, dont ses sourcils semblaient détachés, rouge, revêche, clignant de l'œil, portant avec majesté la graisse de ses joues, lesquelles se rejoignaient sous son menton, maître Florent Barbedienne, auditeur au Châtelet. Or, l'auditeur était sourd, léger défaut pour un auditeur. Maître Florian n'en jugeait pas moins sans appel et très congrûment. Il est certain qu'il suffit qu'un juge ait l'air d'écouter, et le vénérable auditeur remplissait d'autant mieux cette condition, la seule essentielle en bonne justice, que son attention ne pouvait être distraite par aucun bruit. Du reste, il avait dans l'auditoire un impitoyable contrôleur de ses faits et gestes dans la personne de notre ami Jehan Frollo du Moulin. Ce petit écolier d'hier, ce piéton qu'on était toujours sûr de rencontrer partout dans Paris, excepté devant la chaire des professeurs. « Tiens !» disait-il tout bas à son compagnon Robin Poussepain, qui ricanait à côté de lui, tandis qu'il commentait les scènes qui se déroulaient sous leurs yeux. « Voilà Jehanneton du Buisson, la belle fille du Cagnard au marché neuf. Sur mon âme, il la condamne, le vieux. Il n'a donc pas plus d'yeux que d'oreilles. 15 sols 4 deniers parisis pour avoir porté 2 pâtes-nôtres. C'est un peu cher. L'ex du riz Carminis. Qu'est celui-là, Robin, chef de ville aubergier, pour avoir été passé et reçu maître audit métier? C'est son denier d'entrée. Hé, hey, de gentilhomme parmi ces marauds, aiglé de soins, hutin de mailly, 2 écuyers, Corpus Christi. Ah, ils ont joué au dé. Quand verrai-je ici notre recteur? 100 livres parisis d'amende envers le roi? Le Barbedienne frappe comme un sourd. Qu'il est! Je veux être mon frère l'archidiacre si cela m'empêche de jouer. De jouer le jour, de jouer la nuit, de vivre au jeu, de mourir au jeu et de jouer mon âme après ma chemise. Sainte Vierge, que de filles! L'une après l'autre, mes brebis! Ambroise l'écuyère! Isabeau la Pénette, Bernard de Gironin, je les connais toutes, pardieu. À l'amende, à l'amende. Voilà qui vous apprendra à porter des ceintures dorées. 10 sols parisis, coquette. Oh, le vieux museau de juge, sourd et imbécile. Oh, Florian le lourdeau. Oh, Barbedienne le butor. Le voilà à table, il mange du plaideur. Il mange du procès, il mange, il mâche, il se gave, il s'emplit. Amende, épave, taxes, frais, loyaux coûts, salaires, dommages et intérêts, jeûne, prison et geôle, et cèpe avec dépens, luisson, camichon de Noël et massepain de la Saint-Jean. Regarde le porc, allons bon, encore une femme amoureuse. Thibaut la Thibaude, ni plus ni moins, pour être sorti de la rue Glatigny. Quel est ce fils? Geoffroy ma bonne, gendarme Cranequigny à la main. Il a maugré le nom du père. À l'amende la Thibaude, à l'amende le Geoffroy, à l'amende tous les deux. Le vieux sourd, il a dû brouiller les 2 affaires. 10 contre 1 qu'il fait payer le juron à la fille et l'amour au gendarme. Attention, Robin Poussepain, que vont-ils introduire? Voilà bien des sergents par Jupiter. Tous les lévriers de la meute y sont. Ce doit être la grosse pièce de la chasse, un sanglier. C'en est un, Robin, c'en est un. Et un beau encolé. Hercle, c'est notre prince d'hier, notre pape des fous, notre sonneur de cloches, notre borgne, notre bossu, notre grimace. C'est Quasimodo. Ce n'était rien moins. C'était Quasimodo, sanglé, cerclé, ficelé, garrotté et sous bonne garde. L'escouade de sergents qui l'environnait était assistée du chevalier du Guet en personne, portant brodées les armes de France sur la poitrine et les armes de la ville sur le dos. Il n'y avait rien du reste dans Quasimodo, à part sa difformité, qui pût justifier cet appareil de hallebarde et d'arquebuse. Il était sombre, silencieux et tranquille. À peine son œil unique jetait-il de temps à autre, sur les liens qui le chargeaient, un regard sournois et colère. Il promena ce même regard autour de lui, mais si éteint et si endormi, que les femmes ne se le montraient du doigt que pour en rire. Cependant, maître Florian, l'auditeur, feuilleta avec attention le dossier de la plainte dressée contre Quasimodo, que lui présenta le greffier, et, ce coup d'œil jeté, parut se recueillir un instant. Grâce à cette précaution qu'il avait toujours soin de prendre au moment de procéder à un interrogatoire, il savait d'avance les noms, qualités, délits du prévenu, faisait des répliques prévues à des réponses prévues, et parvenait à se tirer de toutes les sinuosités de l'interrogatoire sans trop laisser deviner sa surdité. Le dossier du procès était pour lui le chien de l'aveugle. S'il arrivait par hasard que son infirmité se trahît çà et là par quelque apostrophe incohérente ou quelque question inintelligible, cela passait pour profondeur parmi les uns et pour imbécilité parmi les autres. Dans les deux cas, l'honneur de la magistrature ne recevait aucune atteinte, car il vaut encore mieux qu'un juge soit réputé imbécile ou profond que sourd. Il mettait donc grand soin à dissimuler sa surdité aux yeux de tous, et il y réussissait d'ordinaire, si bien qu'il était arrivé à se faire illusion à lui-même, ce qui est du reste plus facile qu'on ne le croit. Tous les bossus vont tête haute, tous les bègues pérorent, tous les sourds parlent bas. Quant à lui, il se croyait tout au plus l'oreille un peu rebelle. C'était la seule concession qu'il fit sur ce point à l'opinion publique, dans ses moments de franchise et d'examen de conscience. Ayant donc bien ruminé l'affaire de Quasimodo, il renversa sa tête en arrière et ferma les yeux à demi pour plus de majesté et d'impartialité, si bien qu'il était tout à la fois en ce moment sourd et aveugle, double condition sans laquelle il n'est pas de juge parfait. C'est dans cette magistrale attitude qu'il commença l'interrogatoire. « Votre nom ? » Or, voici un cas qui n'avait pas été prévu par la loi, celui où un sourd aurait à interroger un sourd. Quasimodo, que rien n'avertissait de la question à lui adressée, continua de regarder le juge fixement et ne répondit pas. Le juge, sourd et que rien n'avertissait de la surdité de l'accusé, crut qu'il avait répondu, comme faisaient en général tous les accusés, et poursuivit avec son aplomb mécanique et stupide. « C'est bien. Votre âge ?» Quasimodo ne répondit pas davantage à cette question. Le juge la crut satisfaite et continua. « Maintenant, votre état ?» Toujours même silence. L'auditoire, cependant, commençait à chuchoter et à s'entre-regarder. « Il suffit !» reprit l'imperturbable auditeur, quand il supposa que l'accusé avait consommé sa troisième réponse. « Vous êtes accusé par devant nous, primo, de troubles nocturnes, secondo, de voix de fait déshonnêtes sur la personne d'une jeune femme folle, in prejudicium meretricis, tertio, de rébellion et de déloyauté envers les archers de l'ordonnance du roi notre sire. Expliquez-vous sur tous ces points. Greffier, avez-vous écrit ce que l'accusé a dit jusqu'ici ? » À cette question malencontreuse, un éclat de rire s'éleva du greffe à l'auditoire. Si violent, si fou, si contagieux, si universel, que force fut bien aux deux sourds de s'en apercevoir. Quasimodo se retourna en haussant sa bosse avec dédain. Tandis que maître Florian, étonné comme lui, et supposant que le rire des spectateurs avait été provoqué par quelques répliques irrévérentes de l'accusé, rendues visibles pour lui par ce haussement d'épaule, l'apostropha avec indignation. « Vous avez fait là, drôle, une réponse qui mériterait la hart. Savez-vous à qui vous parlez ?» Cette sortie n'était pas propre à arrêter l'explosion de la gaieté générale. Elle parut à tous si hétéroclite et si cornue que le fou rire gagna jusqu'au sergent du parloir aux bourgeois, espèce de valet de pique chez qui la stupidité était d'uniforme. Quasimodo seul conserva son sérieux par la bonne raison qu'il ne comprenait rien à ce qui se passait autour de lui. Le juge, de plus en plus irrité, crut devoir continuer sur le même ton, espérant par là frapper l'accusé d'une terreur qui réagirait sur l'auditoire et le ramènerait au respect. C'est donc à dire, maître pervers et rapinier que vous êtes, que vous vous permettez de manquer à l'auditeur du Châtelet, au magistrat commis à la police populaire de Paris, chargé de faire recherche des crimes, délits et mauvais trains, de contrôler tout métier et interdire le monopole, d'entretenir les pavés, d'empêcher les regrattiers de poulailles, volailles et sauvagines, de faire mesurer la bûche et autres sortes de bois, de purger la ville des boues et l'air des maladies contagieuses, de vaquer continuellement aux faits du public. En un mot, sans gage, ni espérance de salaire. Savez-vous que je m'appelle Florent Barbedienne, propre lieutenant de Monsieur le Prévôt, et de plus, commissaire, enquêteur, contrôleur et examinateur avec égal pouvoir en prévôté, bailliage, conservation et présidial. Il n'y a pas de raison pour qu'un sourd qui parle à un sourd s'arrête. Dieu sait où et quand aurait pris terre maître Florian, ainsi lancé à toute rame dans la haute éloquence, si la porte basse du fond ne s'était ouverte tout à coup et n'avait donné passage à Monsieur le Prévôt en personne. À son entrée, maître Florian ne resta pas court, mais faisant un demi-tour sur ses talons et pointant brusquement sur le prévôt la harangue dont il foudroyait Quasimodo le moment d'auparavant, « Monseigneur, dit-il, je requiers telle peine qu'il vous plaira contre l'accusé si présent, pour grave et mirifique manquement à la justice. » Et il se rassit, tout essoufflé, essuyant de grosses gouttes de sueur qui tombaient de son front et trempaient comme larmes les parchemins étalés devant lui. Messire Robert d'Estouteville fronça le sourcil et fit à Quasimodo un geste d'attention tellement impérieux et significatif que le sourd en comprit quelque chose. Le prévôt lui adressa la parole avec sévérité. « Qu'est-ce que tu as donc fait pour être ici, Marot ?» Le pauvre diable, supposant que le prévôt lui demandait son nom, rompit le silence qu'il gardait habituellement et répondit avec une voix rauque et gutturale « Quasimodo !» La réponse coïncidait si peu avec la question que le fou rire recommença à circuler et que messire Robert s'écria rouge de colère « Te railles-tu aussi de moi, drôle fieffé ?»« Sonneur de cloche à Notre-Dame !» répondit Quasimodo, croyant qu'il s'agissait d'expliquer au juge qui il était. « Sonneur de cloche !» reprit le prévôt qui s'était éveillé le matin d'assez mauvaise humeur, comme nous l'avons dit, pour que sa fureur n'eût pas besoin d'être attisée par de si étranges réponses. « Sonneur de cloche ! Je te ferai faire sur le dos un carillon de houssine par les carrefours de Paris, entends-tu, Marot ?» « Si c'est mon âge que vous voulez savoir, » dit Quasimodo, « je crois que j'aurai 20 ans à la Saint-Martin. » Pour le coup, c'était trop fort. Le prévôt n'y put tenir. « Ah, tu nargues la prévôté, misérable. Messieurs les sergents à verge, vous me mènerez ce drôle au pilori de la grève. Vous le battrez et vous le tournerez une heure. Il me le paiera, tête Dieu. Et je veux qu'il soit fait un cri du présent jugement. » Avec assistance de 4 trompettes jurées dans les 7 châtellenies de la vicomté de Paris. Le greffier se mit à rédiger incontinent le jugement. Ventre Dieu, voilà qui est bien jugé! S'écria de son coin le petit écolier Jehan Frollo du Moulin. Le prévôt se retourna et fixa de nouveau sur Quasimodo ses yeux étincelants. Je crois que le drôle a dit ventre Dieu. Greffier, ajoutez 12 deniers parisis d'amende pour jurement et que la fabrique de Saint-Eustache en aura la moitié. J'ai une dévotion particulière à Saint-Eustache. En quelques minutes, le jugement fut dressé. La teneur en était simple et brève. La coutume de la prévôté et vicomté de Paris n'avait pas encore été travaillée par le président Thibault Baillet et par Roger Barne, l'avocat du roi. Elle n'était pas obstruée alors par cette haute futaie de chicanes et de procédures que ces deux jurisconsultes y plantèrent au commencement du XVIe siècle. Tout y était clair, expéditif, explicite. On y cheminait droit au but et l'on apercevait tout de suite au bout de chaque sentier, sans broussailles et sans détour, la roue, le gibet ou le pilori. On savait du moins où l'on allait. Le greffier présenta la sentence au prévôt, qui y apposa son sceau et sortit pour continuer sa tournée dans les auditoires avec une disposition d'esprit qui dut peupler ce jour-là toutes les geôles de Paris. Jehan Frollo et Robin Poussepain riaient sous cape. Quasimodo regardait le tout d'un air indifférent et étonné. Cependant, le greffier, au moment où maître Florian Barbedienne lisait à son tour le jugement pour le signer, se sentit ému de pitié pour ce pauvre diable de condamné, et dans l'espoir d'obtenir quelque diminution de peine, il s'approcha le plus près qu'il put de l'oreille de l'auditeur et lui dit en lui montrant Quasimodo « Cet homme est sourd. Il espérait que cette communauté d'infirmité éveillerait l'intérêt de maître Florian en faveur du condamné. Mais d'abord, nous avons déjà observé que maître Florian ne se souciait pas qu'on s'aperçût de sa surdité. Ensuite, il avait l'oreille si dure qu'il n'entendit pas un mot de ce que lui dit le greffier. Pourtant, il voulut avoir l'air d'entendre, et répondit « Ah ah, c'est différent. Je ne savais pas cela. Une heure de pilori de plus en ce cas. » Et il signa la sentence, ainsi modifiée. « C'est bien fait, » dit Robin Poussepain qui gardait une dent à Quasimodo. « Cela lui apprendra à rudoyer les gens. »